Voilà. Vous ne nous avez pas entendu rigoler hors antenne. Et bien heureusement pour tout le monde. Voilà. C'était donc un reportage documentaire de Yvonne Harder à propos de Tetsuya Umeda, qui a présenté différentes choses tout au long de la semaine. Une installation qui s'est construite petit à petit dans le foyer du premier, où a eu lieu également une performance hier soir. Exactement. C'est cela. Et, voilà. et puis aussi toute une série d'ateliers, notamment avec l'école d'art de Berne, la HKB, qui nous propose un petit contenu qu'on va vous passer maintenant. Oui, tout à fait. Une pièce de 17 minutes qui a été du coup réalisée conjointement par toutes les étudiantes du pôle son, d'un des pôles son de la AKB. Et donc, bonne écoute, n'est-ce pas ? retire ses lunettes. Tu retires, tu mets, tu l'habilles comme nous, on s'habille, frère. Thank you. Okay. Le zeugma.